À l'occasion de la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, les messages et lettres de félicitations sont parvenus au maréchal Kim Jong-un. Les destinataires sont les personnalités politiques et sociales russes, mongoles, indiens, suisses, slovènes, autrichiens, islandais, guinéens, éthiopiens, brésiliens et les représentants des organisations d'études des étudiants, des formations d'amitié et les organisations de la jeunesse de divers pays du monde, notamment le président du Parti des ouvriers de Hongrie, le Conseil central de l'Alliance de la jeunesse communiste d'Espagne, le Comité exécutif national de la jeunesse communiste du Venezuela, le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste d'Argentine, les premiers secrétaires du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste léniniste de la Fédération de Russie, du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste léniniste de toute la Russie, du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Moldavie, le président du Parti de la jeunesse de Slovénie, les administrateurs de l'Institut asiatique des études jetées et de l'Institut européen des études jetées.